American folk music, l'américanisation d'une notion européenne. Les experts en quête d'une folk music typiquement américaine s'appuient sur une conception du folk dérivant des théories du philosophe et théologien prussien Johann Gottfried von Herder, le premier collecteur de chants du peuple. À la fin du XVIIIe siècle, Herder définit les Volkslieder comme l'émanation d'un lien essentiel entre un peuple et un terroir, des chants qui véhiculeraient l'âme du peuple. Opposés aux productions savantes universelles et compassées, les Volkslieder seraient des productions spontanées, reflétant un sentiment d'appartenance identitaire, un lien organique constitutif d'une communauté. Dans l'Europe du XIXe siècle, l'idée de musique du peuple, représentée comme une entité ethniquement et linguistiquement homogène, est exaltée par les romantiques, pour qui elle renvoie à un passé idéalisé, et elle est mobilisée dans les constructions nationales. Avec l'émergence des théories de l'évolutionnisme culturel, qui postule que toutes les sociétés passent par différents stades d'évolution selon un même modèle, le folk va être ensuite assimilé à un stade liminaire entre la sauvagerie et le monde civilisé. Il est le barbare des sociétés lettrées, un ancêtre vivant au sein de la société moderne. Les compositeurs européens s'emparent de la notion de folk music pour inventer des œuvres exaltant leurs états d'âme par un retour à la nature et au passé, substituant à la raison du classicisme le sentiment du romantisme. Pour les nationalistes, la folk music permet de mettre à distance le lien historique supposément partagé par toute l'Europe, et renvoyant aux cités antiques gréco-romaines, pour reconstruire une filiation historique plus localisée, inventer des particularismes culturels correspondant aux nouvelles frontières politiques, existantes ou revendiquées, des États-nations. Le triangle de plomb entre un peuple, une musique et un terroir suppose donc que la folk music appartiendrait à un groupe ancestral, racialement ou ethniquement homogène, ancré dans un terroir. En Europe, la paysannerie fournira aux nations un modèle liant une supposée homogénéité raciale des origines à une uniformité de classe et de mode de vie. L'application de ce modèle aux États-Unis va d'emblée poser le problème du choix du peuple représentant l'esprit américain parmi les très nombreuses populations peuplant les États-Unis. Les débats sur la possibilité de l'existence même d'une American folk music, en dépit du caractère relativement récent et de la diversité des populations composant la nation, débutent dans les années 1890. Les premiers inventeurs de l'American folk music doivent composer avec le caractère paradoxal inhérent à l'utilisation d'un concept européen pour construire l'américanité, qui est comprise comme un ensemble de valeurs et de spécificités esthétiques représentant l'essence de ce qui est distinctement états-unien. Le besoin d'un folk américain naît de l'entrée des États-Unis dans le concert des nations et de la volonté des élites de construire une culture nationale propre, distincte de celle du vieux continent, mais selon les critères définis par les États-nations européens. Une littérature propre, une musique savante propre, une folk music, des arts folk identifiés, ce sont des emblèmes nationaux aussi essentiels qu'un drapeau. Les savants des États-Unis sont alors confrontés au problème du choix d'un peuple représentant la nation tout entière parmi les différents groupes ethniques et raciaux qui la composent. La question de l'existence d'une folk music purement américaine émerge au début des années 1890, alors que les États-Unis viennent d'achever la mise en place du contrôle de leur espace continental avec l'achèvement de la conquête de l'Ouest. Cette colonisation est immédiatement construite comme une épopée, fondant un caractère exceptionnel de la nation américaine, définie par sa nature pionnière et expansionniste. Les États-Unis se tournent alors vers une expansion extérieure, manifestée dans une politique impérialiste d'acquisition de dépendance outre-mer et une activité diplomatique accrue. L'époque progressiste, allant des années 90 à la première moitié des années 1920, est marquée par la célébration de l'esprit démocratique de la nation et de ses avancées technologiques et scientifiques, d'une politique de réforme qui fait face au risque de délitement des valeurs morales de la société sous les effets conjoints de l'industrialisation, de l'urbanisation et peut-être surtout de l'arrivée de plus en plus massive d'immigrants non anglophones et non protestants. Le besoin d'une unité culturelle nationale face au bouleversement des modes de sociabilité, à l'émergence d'une culture industrielle de masse et à la perception d'une perte d'influence de la culture anglo-américaine est reconnu comme pressant. L'émergence de la notion d'American Folk Music s'inscrit aussi dans le mouvement d'américanisation, vaste mouvement destiné avant tout à intégrer socialement les immigrés récents, mais aussi à civiliser et moderniser les autochtones anglophones, vivant à la marge de la société moderne, ainsi que les classes inférieures urbaines, exposées à la menace de décadence d'une modernisation mal gérée. Des institutions privées, des autorités locales, puis l'État fédéral interviennent dans les champs éducatifs et culturels pour favoriser l'américanisation et la civilisation de ces populations. Des répertoires musicaux et de danse qualifiés de folk sont amplement mobilisés par les agents de l'américanisation, que ce soit les éducateurs, les psychologues, les réformateurs sociaux, qui utilisent ces répertoires comme outils de sociabilisation et d'intégration à la nation, par un jeu de tension entre anglocentrisme et valorisation d'un modèle pluriculturel. Cette période correspond aussi à l'institutionnalisation de la ségrégation raciale et au lynchage qui aide à sa mise en place, et surtout au début des années 20, au durcissement des politiques d'immigration et à la radicalisation des sentiments nativistes. Les populations appartenant à une race ou à une ethnicité non WASP, White Anglo-Saxon Protestant, sont victimes d'une forte stigmatisation qui culmine avec la résurgence du Ku Klux Klan, cette fois surtout focalisée sur les immigrants récents non protestants. Ces tensions raciales rendent encore plus pressant le besoin de construire l'américanité, donc de définir ce qui est américain par essence, d'autant que le statut de puissance internationale des États-Unis se confirme à la sortie de la Première Guerre mondiale. C'est ce que s'attachent à faire les inventeurs de l'American Folk Music, que cela soit pour justifier les politiques ségrégationnistes ou au contraire pour exalter la diversité culturelle. Dans la deuxième moitié des années 20, le fait que les États-Unis possèdent une folk music propre ne fait plus vraiment débat. En témoigne la fondation de la première archive nationale dédiée à cet objet, l'Archive of American Folk Song de la Bibliothèque du Congrès, et le succès commercial des 78 tours de musique rurale. Si le mouvement d'américanisation s'interrompt brièvement pendant la Grande Dépression des années 30, le New Deal le ressuscite en le faisant basculer vers une conception plus inclusive de l'américanité, faisant des laissés-pour-compte du rêve américain les héros nationaux d'une culture de crise aux accents populistes. Les intellectuels engagés dans le Front culturel, large mouvement artistique nourri des idéaux communistes et radicaux cherchant à construire une culture nationale démocratique et multiculturelle, mobilisent l'American Folk Music pour servir leur militantisme en y intégrant notamment des musiques de grève. Folk devient alors aussi synonyme de prolétaire. Dans la deuxième moitié des années 30, une nouvelle génération de spécialistes de folk music, dont beaucoup sont issus du Front culturel, vont trouver dans les agences fédérales du New Deal de nouvelles niches institutionnelles et bénéficier du soutien de l'État fédéral, qui pour la première fois finance des collectes et autres entreprises d'études scientifiques, de sauvegarde et de valorisation des traditions musicales nationales. À l'issue de cette période, l'American Folk Music devient une partie institutionnalisée de la culture du pays. Cette histoire, sur un temps long et sur des acteurs multiples, s'écarte volontairement des études sur les revival folk des années 40, 50, 60 et passim, en considérant plutôt leur genèse. Notre guide pour cette exploration de la fondation intellectuelle et culturelle de la folk music américaine sera une femme collectrice ayant joué un rôle central dans cette histoire, bien qu'elle soit aujourd'hui inconnue du grand public, et qui s'appelle Sidney Robertson. Par sa voix et son parcours, par l'étude de ses filiations intellectuelles et de ses mentors, par la découverte des milieux professionnels dans lesquels elle se forme à la collecte, se dessinera une histoire foisonnante permettant de mener, par l'étude de l'intérêt pour les musiques du peuple, une histoire culturelle des États-Unis.